Bélier, soyez à l'écoute et demandez des informations supplémentaires, c'est primordial pour vous. Taureau, ne négligez pas votre capital forme, prenez de bonnes résolutions santé. Gémeaux, vous récoltez des euros sonnants et trébuchants pour le plus grand plaisir de votre banquier. Cancer, vous aimeriez que votre situation sentimentale s'améliore. Encore un peu de patience, tout vient à point, qui sait attendre. Lion, ne brusquez pas votre partenaire, calez votre rythme sur le sien, sinon il va finir par se lasser de votre réactivité. Vierge, vous devez mettre un peu de rondeur dans vos propos, vous pouvez être glacial à vos heures. Balance, gestionnaire averti, vous rentabilisez vos affaires avec habileté. Scorpion, vous jouez sur du velours, soit vous mettez des euros de côté, soit vous vous faites plaisir pour une fois. Sagittaire, vous vous sentez mieux, un peu moins fatigué que ces derniers temps. Capricorne, la conjoncture céleste est excellente, ce qui vous permet d'obtenir les moyens de vos ambitions. Verseau, vous vous réalisez professionnellement ce qui vous tient particulièrement à cœur depuis quelque temps. Poisson, un coup de foudre ou un coup de cœur, tout est possible et surtout imprévisible.